chacha tazuie. Oki kwanza chacha tubakini. O table ron chacha baganyeo. Oki kwanza chacha tazuie. Independence chacha tazuie. Oki kwanza chacha tubakini. O table ron chacha baganyeo. Oki kwanza chacha tazuie. Asore. Souvenez-vous du 30 juin 1960.